Ce panneau a pour seul but d'indiquer le nom du lieu-dit. Il ne dit pas à quelle vitesse je peux circuler. Lorsque les lieux-dits sont plus importants, un panneau de limitation de vitesse surmonte généralement le panneau à fond noir. Dans tous les cas, je dois rester maître de ma vitesse et la régler en fonction de l'état de la route, des difficultés de la circulation, des obstacles prévisibles et des lieux qui sont bordés d'habitations. Ici, j'ai deux bonnes raisons de ralentir, les habitations qui bordent la route et le virage dangereux. Réponse A et C.